taf sans néon, je n'inspire pas confiance. Sous les ordres des démons, exécute la sentence. J'ai l'esprit aiguisé comme une feuille du boucher et ma plume démoniaque, mais c'est nul papier. Au dehors du tumulte, les ignorants ont peur. Oui, je traîne dans l'occulte, je ne suis pas que docteur. Oui, je crois en Dieu, mais reste pagané. Ils me traiteront à tort d'être un sataniste. Les pentagrammes tatoués me rapprochent de la nature, comme ces têtes de bélier recouvertes de moisissures. Ils me disent dangereux, mais enfin tout le temps. On ne croit même pas en Dieu, mais on peur de Satan. Les capas dans un crâne, broyé avec du gui. La concoction infâme, empoisonnée, maudit. Des coupures dans les veines, je suis redneck. Du joug rock mitaine, je sais comme un redneck. Il me traitera de fou, mais j'ai bien plus de tête que ces pour j'ai prié, qui ne voient pas la bête. Je connais les démons et bien d'autres saletés qui cachés dans l'ombre attendent pour nous damner. Je ne suis pas supérieur que par ma clairvoyance. Les méthodes du docteur me poussent à la démence. Je suis une mauvaise pousse, une société plaguée, prêt à semer les graines de mes fans dégénérés. La règle et les larmes pour le langage des armes, nos vies sont inutiles comme un cutter sans lame. Je suis un mouton noir, fier d'avoir passé par un être formaté qui obéit sans savoir. Il me faisait rire ce prêtre, disant que j'irai en enfer. Seul le grand patron dira si j'irai chez Lucifer. De quel droit peux-tu parler à la place de leur seigneur? Aimer une divinité ne fait pas lui un rédempteur. C'est bien qu'au moins que Satan, pour lui qui est croyant, est plus vieux que la Bible d'environ 2000 ans. En vrai, je m'en tape, je suis bien dans mon délire, et les trous dans mes sabres m'appellent de mauvais souvenirs. J'aisse pas les traditions, mais je suis sous codéine, et ça m'aiderait des mots comme de l'épinéphine. Je continuerai d'écrire les horreurs dans ma tête, et si t'as peur de mourir, ne relance pas la disquette. On me traitera de fou, mais j'ai bien plus de tête que ces pour j'ai prié, qui ne voient pas la bête. Je connais les démons, et bien d'autres saletés, qui cachés dans l'ombre attendent pour nous damner. Je ne suis pas supérieur que par ma clairvoyance, les méthodes du docteur me pousse à la démence. Je suis une mauvaise pousse, une société plaguée, prêt à semer les graines de mes fans dégénérés.